Oui, bonjour, c'est Antonio. Je pense que vous devriez faire un blockbuster spécial sur le masque et la plume. Comme ça, la séquence j'aime pas pourrait être assez jouissive. Voilà. Mais comme je suis trop contente que vous ayez fait une émission sur Sorceleur, j'ai découvert cette série de romans là pendant l'hiver et à chaque fois que je lisais un livre, j'étais là. Oh mais ça, un film là-dessus, une série, ça serait d'enfer. Et quand j'ai fini la série, j'ai remarqué, vu que j'ai vu que peu de temps après la série sortait. Et franchement, j'ai pas été déçue. J'ai pleuré, j'ai exulté de joie, de rage avec les personnages et surtout moi ce que je kiffe dans ce livre. Les femmes, elles sont toutes des badass qui se laissent pas mener par le bout du nez. C'est juste un bouquin, mais extraordinaire. J'ai réussi à convertir toute la famille et je regrette pas. Ça y est, j'ai compris pourquoi il y avait Olivier Bénis et Dedo en alternance. C'est eux qui ont la garde alternée de Frédéric Sigrist pendant les vacances et pendant les émissions de Blockbusters tout l'été. Bonne journée! Salut Fred, merci pour l'émission d'hier sur The Witcher, c'était une super émission. Et surtout, j'ai hâte de voir l'entente cet après-midi sur Captain Tsubasa. Non seulement je suis fan des années 80, encore aujourd'hui avec la réédition, c'est une super série. Et quand on voit le massacre qu'a fait la production avec l'école des champions, ils n'ont rien compris ni à Tsubasa Ozora, ni à comment? Wakashimaru? Wakashimaru? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Bonne émission. Not to be. Vous savez quel était mon personnage préféré dans Olive et Tom? Vous vous souvenez d'Olive et Tom? Le dessin animé qui passait sur la 5, puis le Club Dorothée, puis France 2, puis France 5, puis Gulli, puis Public Sénat. Bon, bah vous savez qui était mon personnage préféré? Non, ça n'était pas Olivier Hatton ou Mark Landers, non. Mon personnage préféré, c'était le commentateur des matchs. Le mec le plus à fond dans son boulot que j'ai jamais vu. C'était des matchs d'enfants de 10 ans, et le type te commentait ça comme un coryphée d'une tragédie grecque. En général, pour voir un adulte aussi excité sur le bord d'un terrain, il faut que ça soit un de ses enfants qui joue. Et non seulement il commentait les matchs, mais il faisait aussi la psychanalyse des joueurs en direct. C'était des commentaires du genre « Oh, Olivier Hatton remonte le terrain. Malgré sa blessure à l'épaule, on sent qu'il ne lâche rien. C'est toute son équipe qui compte sur lui. Il sait alors qu'il attaque le 18e kilomètre du terrain que c'est un moment clé de sa carrière de footballeur. Rappelons que l'année prochaine, il aura tout de même 11 ans et que tout peut s'arrêter. Parviendra-t-il à surmonter la pression et à répondre aux attentes du célèbre Roberto, son entraîneur qui l'observe derrière ses lunettes de soleil avec intention dans les gradins, 5e rang, siège 12, d'autant que sa maman a préparé un très bon gâteau pour toute l'équipe en cas de victoire. Franchement, vous savez quoi? Je me dis qu'on devrait tous vivre notre vie avec la même passion que le commentateur d'Olive et Tom. France Inter, Blockbuster, juste ici ça va. Frédéric Sigrist. Je vais faire un tour, je vais voir comment est la ville. Quoi? Non, attends, reste là, Tsubasa. Le voilà reparti avec son ballon. Oh, je me doutais bien qu'il allait me faire faux bond encore une fois. Votre fils a l'air d'être un vrai mordu de football, madame. Oui, c'est sa passion. Et c'est même grâce à un ballon s'il est toujours en vie. Tsubasa! Ce qui arriva ce jour-là tient du miracle. Que ce soit lorsqu'il s'est fait heurter de plein fouet par le camion ou lorsqu'il a atterri sur le gazon, à chaque fois, son ballon l'a protégé en amortissant le choc. Grâce à lui, mon fils s'en est sorti sans la moindre égratignure. Depuis, il joue au foot dès qu'il le peut. Tsubasa ! Tsubasa ! Tsubasa ! Tout le monde se souvient d'Olive et Tom, de son vrai nom Captain Tsubasa. Ce dessin animé japonais apparu sur les écrans français en 1988 dans l'émission Youpi, l'école est finie sur la 5. Ce dessin animé qui a fait croire à toute une génération d'enfants que jouer au foot donnait des super pouvoirs. Chaque fois que tu tapais de toutes tes forces dans le ballon, t'étais convaincu qu'un tigre allait apparaître derrière toi et que le ballon allait traverser le filet. Alors qu'en fait, le ballon il allait terminer dans la tête à Kevin et donner du travail à la petite souris en lui faisant sauter dedans. Pour revenir sur ce dessin animé culte qui est à l'origine de tant de vocations chez les joueurs de foot professionnels, j'ai avec moi Mathieu Pinon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de la pop culture japonaise, auteur de Histoire du manga moderne de 1952 à 2020 avec Laurent Lefebvre et de Un siècle d'animation japonaise avec Philippe Bunel aux éditions Inis. Tout à fait. Avec nous également Charles Romano, bonjour. Bonjour. Vous êtes connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Radonga. Vous êtes youtubeur et on peut vous suivre sur la chaîne Le Coin de Tsubasa. Tout à fait, je rajouterais même Les Yeux de Tsubasa, c'est une chaîne pour les aveugles. Pour ceux qui ne peuvent pas donc avoir tous les détails, on leur décrit en direct donc ce qui se passe, à quoi ressemblent les personnages. Donc Le Coin de Tsubasa et Les Yeux de Tsubasa. C'était une précision qui valait le coup d'être précisée. Avec nous également Alexandre Letron, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste série pour VL Media et vous racontez la fabrication des séries et des dessins animés dans chaque épisode de La Loi des séries. Exactement, tout à fait. Ensemble, on va revenir sur l'incroyable histoire d'Olivier Tom et surtout sur sa longévité sur toutes les chaînes de télévision françaises. On verra à quel point ce manga et ce dessin animé ont eu une influence qui dépasse de très très loin ce que l'on attend habituellement d'un programme jeunesse. Et on verra que tout cela tient en grande partie à son auteur, Yoichi Takahashi. Allez, Olivier Tom, nous voilà. Vas-y, balance Tsubasa ! À toi, Ryo ! Le ballon est transmis vers l'avant, il file vers les buts ! La passe est arrivée à destination. Ouais, parfait, je suis démarqué. Ryo entre dans la surface de réparation. Yeposa Kenzo. Frappe de Ryo. Capitaine. Pourquoi c'est pas toi qui attaque Tsubasa? Il l'a arrêté. Sérieux? Genzo est le meilleur gardien de tout le pays. Il a bloqué le tir du joueur de Nankatsu sans la moindre difficulté. Viens me défier, Tsubasa. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe accrochée et on a marqué. Olive et Tom. Eh bien oui, on ne pouvait pas ne pas la passer, le générique culte d'Olive et Tom. Mathieu Pinon, qui était un générique destiné à une autre série. Tout à fait. À l'origine, c'était le générique italien de Lupin 3, qui est devenu chez nous Edgar de la Cambriole. C'était Lupin, Lupin. Et donc, nous, on a eu la version comme ça. En revanche, en Allemagne, pour Die Tollen Fußballstar, ils ont eu le générique original, ces petits vénards. Ouais. Mais traduit en allemand. Bah, de toute façon, c'est, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Généralement. Bah oui, c'est pour ça. Alors, Mathieu Pinon, vous avez la parole. Gardez-la. Oh. Qu'est-ce que ça raconte, Olivier Tom? Je crois que depuis que je vous invite dans Blockbuster pour parler des mangas, c'est sûrement le manga le plus facile à résumer. Ah, pour une fois, oui. comme vous avez pu l'entendre dans la petite séance audio introductive, on va suivre l'histoire de Olivier Hatton, donc Tsubasa Ozora en version originale, qui, quand il était enfant, jouait avec son ballon sur la rue, sans regarder à droite ni à gauche. Un camion est arrivé, le camion l'a percuté de plein fouet, mais heureusement, le ballon a amorti le choc. Et depuis, Tsubasa a fait, mais moi je vais jouer au football. Et nous allons suivre la progression de ce petit génie du football jusqu'à devenir donc japonais, jusqu'à devenir professionnel au Barça, si je ne dis pas de bêtises. Ainsi que de attention, il y a un puriste à ainsi côté. Que de nombreux autres, allez, surveille, hein. Ainsi que de nombreux autres joueurs qui vont graviter autour de lui, car le message principal qui est transmis par ce manga et par le dessin animé, c'est que le football est un sport d'équipe, et donc c'est vraiment collectif. Et si on a un personnage qui donne son titre à la saga, il y en a toute une flopée qui sont tous plus intéressants les uns que les autres qui gravitent autour. Alexandre Letran, c'est arrivé à quelle date en France et sur quelle chaîne, dans quel contexte? Ça arrive, alors c'est une époque que beaucoup de gens aujourd'hui n'imaginent pas concevoir, à une époque où il n'y avait quasiment que des chaînes publiques, TF1 n'est pas encore privatisé, il y a Canal+ qui est arrivé et il y a d'un seul coup la 5 qui arrive en 1986 sur l'impulsion de Berlusconi qui effectivement avait déjà des dessins animés en Italie qui étaient beaucoup programmés là-bas et qui les a ramenés par kilo aussi sur la 5. Et il y avait en général deux écoles, il y avait des dessins animés de la 5 qui étaient très sportif, voire un peu girly par moment. Jeanne et Serge. Voilà, et tout, alors, toute une flopée de dessins animés dits sportifs. Et puis il y avait des dessins animés un peu plus violent qui était sur TF1, qui arrive ensuite sur TF1 87 quand la chaîne est privatisée. Mais youpi, l'école est finie, avec ce petit lapin bleu qui animait, et évidemment le générique de Jean-Claude Corbel qui avait marqué toute une génération. Ça a été avec Jeanne et Serge, je crois, l'un des premiers dessins animés sportifs, ah, peut-être avec Joe le boxeur qui était arrivé peut-être ou avant, mais c'est quasiment concomitant. Il y a pas photo. Il y a pas photo. Voilà, c'est Olivier Tom et qui a donné évidemment des envies à plein de gamins de faire du foot, notamment ceux qui n'aimaient pas ça. Parce que moi qui n'ai jamais aimé le foot, ça donne envie. C'est surtout le foot qui ne m'aimait pas. Je crois que c'est un peu pareil. Moi, l'expérience du ballon, j'ai pas la même qu'Olivier Hatton. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'exemple même de ce qui se passe quand les mecs se mettent autour d'une table, regardent un seul épisode d'un dessin animé et donnent le nom à toute la série. Parce qu'évidemment, Thomas Price, il apparaît dans quelques épisodes au début, il revient vaguement dans un tournoi, puis après, c'est vrai qu'il est quasiment plus là, ou voire plus là du tout, quoi. Donc, il part en Allemagne. Mais oui. Évidemment, mais c'est intéressant parce que ça s'appelle Olivier Tom et ça n'a absolument aucun sens pour quand on a vu la même chose avec Jeanne et Serge. Hein, c'est à peu près ça. On suit Jeanne et puis Serge quand on aura le temps. Quoi. C'est un peu ça. Ouais. Charles Romano, alors à quel âge avez-vous découvert la série? Est-ce que c'était en version française ou directement en japonais? Expliquez-nous votre rencontre avec Captain Tsubasa. Alors c'est à peu près en même temps que vous tous. Hein. Je sais que je parais jeune, mais en fait je l'ai découvert aussi en 88 sur la 5. Et donc, j'ai découvert en français. Et après, je pensais que c'était arrêté, comme tout le monde. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé des DVD hongkongais. Et j'ai acheté la série en japonais, sous-titré anglais, mal sous-titré, dans les années 90, 95. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert la série, que je me suis replongé, et cette fois-ci, vraiment, au cœur du manga, en japonais, avec les traductions des fans. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la nouvelle série est accessible en DVD et en Blu-ray. Il y a une réédition, une édition qui vient de sortir. Et que les épisodes originaux sont aussi accessibles sur Internet, sur la chaîne YouTube Olivier Tom officiel. Vous avez donc les 128 épisodes et même de la série de 2018 avec 52 épisodes sur cette chaîne YouTube officielle. Olivier Tom officiel. Et je crois même Olivier Tom le retour aussi. Qui est oui, en effet, c'est celle-là. Oui, il y a aussi Olivier Tom la revanche. C'est ça. Olivier Tom contre Godzilla. Mais voilà, celui-ci n'est pas beaucoup. Mais pour une fois qu'on a du bon dessin animé gratuit et officiel, pourquoi s'en priver? Mais oui, mais d'ailleurs, c'est quand même un indicateur qu'Olivier Tom et Captain Tsubasa a un statut très particulier au sein de l'animation. Parce que souvent, quand on parle d'animation japonaise, on va citer Dragon Ball, on va citer One Piece. Mais Olivier Tom, c'est l'autre gros pan de l'animation japonaise. Japonaise et même en termes de rayonnement culturel, Mathieu Pinon. Absolument, mais il faut bien prendre en compte que à l'époque, quand le mangaka l'a créé au Japon, lui, il connaissait surtout le baseball. Et c'est en 1978, quand il y a eu la Coupe du Monde en Argentine, qu'il a vraiment découvert quelques matchs. Et il a fait mais ce sport est génial. Et quand on connaît un petit peu les règles du baseball, qui est un sport d'équipe, mais où il y a un joueur qui va affronter l'équipe d'en face en étant batteur, puis on va intervertir. Il n'y a pas une interaction entre deux équipes stricto sensu. Donc pour lui, ça a été quelque chose de passionnant. Il a fait, c'est pas un affrontement un contre un ou un contre l'équipe, mais une équipe contre une équipe. C'est à partir de ça qu'il a pu développer le projet, qu'il a pu ensuite créer avec le Shonen Jump. Et ça a pris du feu de Dieu au Japon, très étonnamment, puisque eux, ils sont vraiment la seconde patrie du baseball après les USA. Et quand il y a eu l'exportation en Europe, on connaît bien, l'Europe, si c'est pas le continent du football, faut qu'on m'explique ce que c'est. Mmh. Et donc, ça a pris en France, ça a pris en Italie, ça a pris en Espagne, ça a pris en Allemagne. Et on a un autre dessin animé que Dragon Ball qui fédère les fans de tout pays. Vraiment, c'est une licence internationale où tous les fans se retrouvent. Alors, vous savez quoi? J'ai envie de rester dans cette ambiance de stade de foot, de saucisse froide dans un pain chaud avec trop de moutarde dedans, de bière tiède dans un gobelet en plastique avec quelques chants racistes et homophobes. Et si on écoutait Seven Nation Army, des rayures blanches, des white stripes. Oh, je l'ai bien dit. Ha ha, tiens. C'était les White Stripes. Vous êtes toujours dans Blockbuster sur France Inter et on parle d'Olivier Tom, Captain Tsubasa, avec les journalistes Alexandre Letraine et Mathieu Pinon, ainsi que le youtubeur Charles Romano. Votre fils m'a beaucoup surpris durant ces deux semaines d'entraînement. Pour tout vous dire, j'ai eu l'impression de me voir lorsque j'avais son âge. Quand je visualise un geste en particulier ou que je voudrais qu'il tire de telle façon depuis tel endroit, il fait exactement ce que j'avais en tête, comme s'il lisait dans mes pensées et que ses jambes m'obéissaient. Je crois qu'il serait prêt à gravir n'importe quelle montagne à vos côtés pour atteindre le sommet. Pardon ? Il n'arrête pas de me parler de son rêve. Il voudrait hisser le football japonais au sommet, tout remporter. Tsubasa rêve en grand, on dirait. Mais c'est un beau rêve qui vaut la peine d'être accompli. Si c'est ce que tu veux, Tsubasa... Alors je veux bien t'aider à réaliser ton rêve. 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20, c'est un numéro hyper simple à composer si on a envie de parler. Il n'y a personne au bout du film, mais ça permet de se laisser aller à dire des choses qu'on ne dirait pas à quelqu'un d'autre. Le répondeur de Blockbuster, c'est comme une thérapie, mais avec l'argent de vos impôts. Voilà, c'était pour vous rappeler de laisser des messages. Mathieu Pinon, oui. Parlez-moi de l'auteur Yoichi Takahashi, s'il vous plaît. Yoichi Takahashi est né en 1960. Quand il était jeune, il avait vraiment une passion pour le baseball qui était ancrée en lui. Ensuite, il a commencé à vraiment s'intéresser au manga parce que tous ses copains, ils avaient un bon coup de crayon. Donc, il a commencé à le développer. Et parmi les mangas qui l'ont particulièrement marqué étant jeune, il y a un manga qui s'appelle Kyojin no Hoshi, qui est l'étoile des géants. Qui est inédit en France, où on voit justement un jeune garçon qui va devenir une véritable star du baseball grâce à un entraînement absolument atroce de la part de son père, et parfois c'est un véritable calvaire qu'il va subir. Et le deuxième manga qu'il avait marqué, c'était Ashita no Joe, donc un manga de boxe, dans lequel le héros sort des bas-fonds et va réussir à une espèce de revanche sociale qu'il va prendre sur le ring. Et... quand il a commencé à faire du manga, il a voulu faire du baseball. Seulement, le baseball, il y en avait déjà par palette. Il y a un autre manga de baseball qui est arrivé sur le marché qui s'appelait Dokaben. Et alors, il a fait pouf ! Il a vraiment pris une claque. Il a fait « Je ne pourrais pas atteindre ce niveau ». Et donc, comme je l'ai expliqué, en 78, il a découvert la Coupe du Monde en Argentine. Et ça a été un premier révélateur pour lui. Et le deuxième révélateur qu'il a eu, c'est un joueur japonais qui s'appelle Kazuyoshi Miura, surnommé King Kazu par tous les fans au Japon. Pour donner une idée de la carrière du monsieur très brièvement, il a joué sur quatre continents. Il n'y a que Rivaldo qui a fait pareil, me semble-t-il, parmi tous les joueurs au monde. Et à 50 ans, il a marqué un but, certes en Ligue 2 du Japon, mais c'est le plus vieux buteur professionnel. Il a 51 ans, il est encore en activité. C'est donc une véritable légende. Et ce joueur est parti se former au Brésil. Et il est revenu ensuite au Japon. Et à partir de là, il fait... Et si je faisais pas l'histoire d'un gamin qui serait très très fort au Japon et dont le seul rêve serait d'aller se former au Brésil pour revenir ensuite mener l'équipe du Japon jusqu'à la Coupe du Monde. Et c'est ainsi que Captain Tsubasa est né sous la plume de cette personne qui est, j'ai eu la chance de le rencontrer, l'un des mangaka, une des personnes les plus adorables au monde. Charles Romano, parlons du style de dessin de l'auteur Yoichi Takahashi. On est vers un dessin assez old school. On est beaucoup plus proche de l'école Tezuka ou même Masami Kuramada, l'auteur de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac. On n'est pas dans l'école Toriyama, Naruto, One Piece. Il y a quelque chose d'assez vintage dans le dessin. Alors tout à fait, c'est vrai qu'on relit surtout ses premiers tomes. Ça a beaucoup évolué, mais il y a ce côté vraiment, comme vous disiez, old school. Et lui-même, il reconnaissait que c'était pas le meilleur dessinateur. Enfin, il a débuté, il a beaucoup travaillé. Ses débuts ont été très très difficiles. Il a eu beaucoup beaucoup d'échecs, mais il a continué à travailler. Et il avoue que même aujourd'hui, enfin même actuellement, c'est pas le meilleur dessinateur. Ça a évolué. Et aujourd'hui, son style est vraiment différent. Alors, il y avait un côté un petit peu abrupt, très sombre dans les années 80. Après, ça s'est un petit peu adouci. Et là, il est arrivé dans un style très rond actuellement. Pour faire les joueurs adultes, par exemple, il est fait gros. C'est-à-dire que sa notion de l'adulte, c'est que c'est un enfant qui serait plus gros, qui serait rond un peu au niveau du ventre, plus grand bien sûr, avec des grandes jambes. C'est à peu près ça. Hein. C'est pas ça, un adulte. Bon là ils ont 20 ans. Il est peut-être un petit peu en avance. Et c'est vrai que son style, je pense pas que ça soit. Alors il a un style reconnaissable, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais après en technique, c'est effectivement pas le meilleur dessinateur. En tout cas, bien sûr que c'est un grand dessinateur, puisqu'il est un des plus grands mangaka, mais peut-être pas au niveau d'un Toriyama qui a une technique, parce que même au niveau des proportions, il y a quand même souvent des problèmes avec Captain Tsubasa. Quand il a lancé Captain Tsubasa, il y a eu aussi... les premiers épisodes n'ont pas forcément tout de suite pris, c'est-à-dire que il y a eu des sondages de lecteurs, les gens recevaient ça de manière un peu mi-figue, mi-raisin. Il a fallu avoir un épisode de match... où il y a eu cette fameuse retournée acrobatique de Roberto en envoyant le ballon qui rebondit sur la barre transversale, pour que là tout d'un coup les lecteurs se disent ah tiens, en fait il peut se passer des choses intéressantes dedans. Mais au début ça a été un petit peu problématique. C'était problématique pour plusieurs raisons. La première, c'est que à l'époque les Japonais ne connaissaient pas encore très bien les règles du football, et donc il fallait à la fois introduire des personnages en supputant que les lecteurs connaissent déjà un peu les règles du football, et c'est là que sont intervenus les responsables éditoriaux du Jump, qui un responsable éditorial est vraiment la seconde moitié d'un mangaka, il est là pour le guider en cas d'erreur, et qui l'ont très très vite drivé pour aller vers les matchs. Et justement, Takahashi explique tout ça dans son autobiographie « Comment j'ai créé Captain Tsubasa » aux éditions Omake, qui est vraiment, alors là c'est une mine, hein, si vous voulez savoir comment un manga à succès peut exploser au milieu du Jump, il faut lire ce livre. Et donc, grâce au conseil des responsables éditoriaux et les retours justement des lecteurs, il y a eu cette réorientation. Et là, quand il y a eu le premier match, ça a été là, il a fierré son lectorat et il n'a plus qu'à tourner le moulinet pendant des tomes et des tomes. Alexandre Le Traîne, Olivier Tom, pour aux yeux du grand public français, c'est aussi des stigmates immédiatement identifiables, c'est-à-dire un terrain de foot ovale. De 400 rond, mètres. 400, bah, qui fait même, c'est incroyable. Il est d'une longueur. Ouais. Des tirs qui soulèvent la terre, qui traversent des filets, des stades bondés, remplis de supporters en furie, de commentateurs. Enfin bref. On se souvient des jumeaux d'Eric dans la version française, qui avait la particularité de sauter sur la barre transversale pour marquer des buts. C'est ce qui a fait la marque de fabrique de ce animé et qui a fait que les gens s'y sont identifiés. Moi je le compare parfois sur des scènes de combat, parce qu'on est presque sur une arène, à ce qu'il y avait eu dans Dragon Ball Z. C'est-à-dire que quand vous avez Son Goku et Freezer qui se battent sur Namek en disant Freezer, c'est non, sinon on sort. Mais qui disent la planète Namek va exploser dans 5 minutes et ça dure pendant 20 épisodes, bah là on a à peu près pareil, on a des matchs qui durent des plombes, ils mettent un épisode entier pour traverser le terrain, et effectivement ces fameuses pauses dans les tirs au but qui sont si identifiables, on a l'impression qu'ils se seraient fait déjà tacler 3 fois sur un terrain de foot en temps normal, et là ils prennent la position, on a les retournées acrobatiques d'Olivier Tom avec la jambe qui part derrière, enfin c'est tout ce qui a donné aux enfants aussi l'envie après de s'identifier, ce qui a fait la marque de fabrique du dessin animé. Alors pour la défense du dessin animé, surtout du manga, c'est là qu'on voit la différence entre les supports manga et dessin animé. À savoir que quand on lit le manga, le lecteur peut impliquer son rythme comme il veut. Et donc s'il y a un match qu'on va lire en quelques secondes ou en quelques minutes en feuilletant les pages du manga, les pensées des personnages quand on va les oraliser, ça va prendre plus de temps. Et c'est ça qui fait qu'on va avoir des courses interminables le long du terrain parce que ils étaient tributaires de ça au niveau de l'animation. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des terrains de plusieurs kilomètres de long avant d'arriver. Oui, ils n'avaient pas le choix en fait d'adapter. Parce que c'était un manga de sport, donc ils étaient obligés d'adapter un manga qui, sur papier, ne posait pas de problème, parce que c'est une bulle, et on peut mettre... C'est des pauses, il n'y a rien qui avance, et c'est vrai que le terrain infini, ça n'existe pas dans le manga, par exemple. Oui, voilà. Oui. Et puis, il faut créer l'image du duel. Enfin, c'est un duel entre Olivier et Tom, entre Mark Landers et Olivier, et c'est important aussi de créer cette tension dramatique sur un terrain qui est très très long, qui donne l'impression d'être très très long. Je croyais que c'était jusqu'à la mort. Je voulais qu'on s'aime pas comme mes parents. Peine serrée, parti pour pas grand chose. Ça donne de l'inspi, il paraît. Pas grand chose pour qu'on mérite. Si je pars en couille, faut qu'on m'arrête. Mais ce sera sans elle, pas sans barrette. On a passé l'épreuve, on a fait le test. J'ai vu l'amour, j'ai pas vu le temps passer. C'est tellement plus simple quand on se déteste. Tellement plus simple quand je veux plus t'embrasser. Je suis revenu vite de mon aller simple. Je pensais pas que ce serait dur de s'en passer. C'est tellement plus simple quand on se déteste. Tellement plus simple quand je veux plus t'embrasser. Tu fais pas la maison, c'est pas quitté. On s'est quitté. Je te jure, je voulais pas voir les lèvres qui coulent. On s'est pas quitté. Mais on s'est quitté. Je voulais pas voir tous ces lèvres qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais l'un coup, je jouerai jamais classico. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent. Je voulais pas voir tous ces lèvres qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. J'aurais jamais classico. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent. Je suis aussi dur qu'une femme, j'ai la douceur d'un allié en temps de guerre. Les lesbiennes m'adorent, je sais pas comment je dois le prendre, je sais comment faire du cash, et surtout comment tout perdre. Ils se prennent pour tout pas qu'ils sont du père. Comme les mecs là-bas qui sont des pères de pute. Jamais eu de pec, j'ai rien du père. Descendant de maman, j'ai rien du père. J'ai mal à la dent, j'ai mal au cœur. Tyler a dit, pour toucher les fonds, tu dois tout prendre. Pour toucher le fond, tu dois tout perdre. J'ai mis de la menthe dans la théière. J'ai mis maman feu théière. J'ai mis la drogue dans le Tupperware. Yeux rouges, Marrakech, butter. Je voulais planter ma reine comme John. D'autres voulaient planter Reagan. Je voulais planter ma graine en elle. Elle m'a planté légalement. J'rêve que dommage collatéraux. Je crois que je vais faire trop de dégâts. Y'a plus que des Uber dans la ville. Je fais plus peur comme une Mégane blanche. Je fais pas la bise, on s'est pas quitté. Mais on s'est quitté. Je te jure, je voulais pas voir les nez qui coulent. On s'est pas quitté. Mais on s'est quitté. Je voulais pas voir tous ces nez qui coulent. Je voulais retrouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais l'un coup, j'aurais jamais classico. Tous ces mecs qui courent. Je voulais trouver ma vie, non, je suis pas si con. Mais l'âme coule, j'aurai jamais classico. Maman me regarde, j'ai les yeux qui tombent. C'était Yacine Stein avec Marrakech Butter. Et aujourd'hui à la technique, j'aimerais qu'on fasse la hola pour Pierre-Yves de Rolin. Sur France Inter, avec Frédéric Sigrist. Et on est de retour pour continuer à parler de Captain Tsubasa, Olivier Tom. Et alors, évidemment, on en parle d'Olivier Tom, mais on n'a pas dit quand même quel est votre personnage favori autour de la table. Alexandre Le Train. Ah, moi j'avoue que, alors au départ j'aimais bien Olivier parce que finalement c'est le héros de l'histoire, mais j'avoue que le côté bad guy de Mark Landers, franchement on a l'impression tout de suite qu'il est prêt à tuer tout le monde sur le terrain. Il a 10 ans, mais c'est comme Ikki dans les Chevaliers du Zodiac, s'il peut liquider tout le monde, il liquidera tout le monde. Oui, mais il le fait pour des raisons sociales. Oui, c'est vrai. Enfin, parce qu'il est quand même charge de famille, il essaie d'aider sa mère, ses frères et sœurs, il va travailler même avant d'aller s'entraîner, c'est un véritable ouvrier. Oui, mais quand on le découvre à 9 ans comme moi sur Youpi l'école est finie, et qu'en plus on lui a donné une voix française, qui est en général une voix française utilisée pour les méchants des dessins animés japonais en France, le côté social, on passe un petit peu à côté. Mais par contre, on le trouve tellement génial sur le terrain. Et puis il remonte quand même le t-shirt, qui est quand même un truc de badass. Et puis on peut quand même dire qu'à un moment donné, Olivier, on a juste envie de le secouer un peu tellement. Il est, il est un peu gnangnan, quoi. Il me rappelle Dawson dans les années 90. Il est tellement toujours gentil et formidable qu'on en a marre. Oui, mais il y a cette idée de partage. C'est vrai que dans les premiers épisodes, il y a cette rencontre avec Genzo, avec Thomas Price, où ils ne veulent pas partager le terrain. Et lui, Tsubasa, dit mais non, mais il y a deux buts. On peut jouer chacun de notre côté. Il est vraiment dans la conciliation et le travail. C'est quelqu'un qui veut travailler collectivement. De toute façon, à chaque fois, son objectif, c'est pas de marquer pour être le meilleur joueur, pour être connu comme la star du match, mais c'est je dois absolument marquer pour mon équipe. C'est vraiment son équipe qui prime avant tout. Il y a le collectif d'abord. Alors, Mathieu Pinon, quel est J'hésite parce que il y a d'un côté Julian Ross pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que c'est le joueur qui est le plus polyvalent au fur et à mesure de la série. Il était attaquant au début, il va se retrouver ensuite libéraux, il va se retrouver milieu droit, il est toujours très très fort. Mais c'est quand même Danny Melo que j'ai dans mon cœur parce que on l'oublie tout le temps, mais sans lui, Mark Landers, il pourrait rien faire. C'est vraiment lui qui c'est le jeune prodige. C'est le jeune prodige qui offre des caviars magnifiques pour que Landers il balance la balle qui va déchirer les filets de la cage adverse et qui, alors qu'il a un tout petit gabarit, a une vision du jeu et est le plus grand stratège de tous les joueurs du manga et du dessin animé. Charles Romano. Pour moi, sans hésiter, ça va être Genzo Wakabayashi, donc Thomas Price, parce que bon, j'aime son caractère. C'est quelqu'un qui domine, c'est un capitaine. C'est peut-être le meilleur personnage. Vous aimez les dominants? C'est peut-être le personnage le plus fort du manga, en tout cas dans le databook qui est sorti en 2003. C'est celui qui avait la meilleure note au-dessus de donc Tsubasa Oliviaton. Et ben, j'ai toujours aimé ce côté. Il est presque trop fort, à tel point que l'auteur est obligé de le faire blesser une fois sur deux pour qu'il y ait un petit peu d'enjeu dans son manga. Oui, parce que ça a beau être des juniors, évidemment dans le manga ils grandissent et à l'âge adulte on comprend qu'ils se blessent, mais dès qu'ils sont enfants, ils ont des blessures absolument inhumaines. Ils se prennent des poteaux dans la tête, ils sautent 10 mètres au-dessus du sol, ils retombent paf sur l'épaule, enfin il y a quand même quelque chose jusqu'au boutisme qui est phénoménal dans Tsubasa. Je me souviens d'un match, justement un des premiers matchs contre Julian Ross, où ça finit avec Olivier qui est aveugle parce que la douleur a atteint, et donc il est aveugle pendant quelques minutes, et à côté on a Julian Ross qui avec son souffle au cœur qui s'y fait trois pas va faire un arrêt cardiaque. On est là, mais ils ont quel âge? Ah, ils ont 8 ans, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc oui, c'est effectivement, ils ne font pas semblant. Le dernier match de la série originale quand même, Olivier, juste avant la finale, il est quand même cloué au lit, il a un bandage tout autour du torse, il y va presque en rampant dans ce match-là. Il y a quelque chose de très... de très combat, quoi. C'est un duel qu'il y a sur le terrain. Moi, ça me rappelle évidemment les Chevaliers du Zodiac parce que c'est aussi des gamins qu'on envoie au charbon, qu'on envoie au casse-pipe et qui en prennent plein la gueule pendant tous les épisodes de la série. C'est assez fascinant. Oui, mais ils ont l'air heureux de le faire. Ils y vont toujours avec joie. Alors, à chaque fois que ma compagne m'insulte ou ne me laisse plus rentrer à la maison, je me dis que l'amour n'exclut pas forcément les reproches. Et même si on aime très fort Captain Tsubasa, il y a des choses, des fois, que l'on n'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors justement, parlons des sujets qui fâchent. Qu'est-ce qui est moins appréciable dans Captain Tsubasa? Et j'aimerais commencer par Charles Romano. Alors pour moi, ça va être simple. Et c'est dans la communauté, ce qui revient le plus souvent, c'est le fait que Tsubasa, Oliviaton, gagne tout le temps. C'est le syndrome Goku. Voilà, concrètement, mais c'est pire parce que Goku est mort, par exemple. Alors, il revient, mais il est quand même mort. Et puis il perd beaucoup de combats et après il prend sa revanche. Tsubasa, il a perdu un match en 40 ans de manga. Et encore, c'était pas un match éliminatoire, hein, c'était un match de poule. Donc finalement, il y a un petit peu cette lassitude que quand Tsubasa est sur le terrain, on sait qu'à la fin du match, s'il y a un enjeu, une élimination, il va forcément gagner. Et encore aujourd'hui, on est actuellement dans le tournoi olympique, dans le manga, on se dit tous, que même si ça paraît fou que le Japon va encore gagner par rapport aux autres équipes, il y a l'Espagne, il y a le Brésil, on se dit, ben non, finalement, Takahashi a décidé que son manga, c'était l'histoire d'un joueur invincible. Oui, mais il faut qu'il aille au Brésil pour rejoindre Roberto, tout ça. Enfin, c'est compliqué. Alors, il est allé au Brésil, il a gagné au Brésil de suite le championnat. Il est revenu en Europe, il a gagné tout de suite en Europe. Il va aux Jeux Olympiques, il va gagner. C'est vrai qu'il est peut-être trop fort, et je me demande même si c'est peut-être même un exemple unique dans les grands mangas d'un héros qui semble vraiment au-dessus de tout le monde, en fait. Même s'il souffre un petit peu en début de match, à la fin du match, il gagne. Mathieu Pinon. Pour ma part, puisque vous évoquiez votre épouse, mais où sont les femmes? avec leur juste au cœur de charme. Ouais. C'est-à-dire que la même par exemple dans Saint Seiya qui est très très très masculin dans les combats, on va avoir Athéna qui va quand même avoir un rôle prépondérant. Là, on a la mère d'Olivier qui le regarde sur le banc avec le gâteau qu'elle a fait pour le goûter. On va avoir son amoureuse qui va être la plus grande supporteur et puis voilà. On a fait le tour quasiment, donc c'est un petit. Si, il y a l'ami de Julian Ross. Oui, il y a l'ami de Julian Ross, mais comme on l'évoquait tout à l'heure en antenne, une fois que parce que Julian Ross est cardiaque et donc elle est là pour lui dire fais attention à ton cœur, mon amour. Il se fait opérer. À partir du moment où il est opéré, qu'il n'a plus de problème au cœur, elle dégage complètement. Donc ça manque un peu. Alors que justement, on a fait des séries sur les femmes de footballeurs, donc ça peut apporter quelque chose d'intéressant d'avoir autre chose que. Et puis accessoirement, les femmes jouent au foot aussi jouent très très bien. Et il a fait justement, l'auteur a fait un manga sur la capitaine de la Nadeshiko, l'équipe japonaise féminine de football qui avait remporté la Coupe du Monde en 2011. Donc, comme quoi, il s'intéresse également au football féminin, mais il y a pas d'hommes dans le foot. Donc il y a aucune relation entre les hommes et les femmes dans ces mangas, et c'est peut-être quelque chose qui manque un petit peu. Il y a autre chose que le sport à proprement parler, dont on peut qu'on peut développer, surtout quand on parle d'adolescents. Alors dans le pilote, il faut savoir que dans le pilote de Captain Tsubasa, au départ c'était un triangle amoureux. Donc il a mis ça en place. Donc il y avait les deux, hein, Olivier et Tom, Genzo et Tsubasa, et au milieu il y avait une jeune fille. Alors, ça aurait dû être une Patty par exemple. Hein, et ils devaient être rivaux sur le terrain, mais aussi en amour. Et finalement cette idée-là, il a supprimé quand il est passé à en faire une série. Donc, on aurait pu avoir. Parce que le personnage de Patty dans Olivetum, mais oui, à aucun moment. Et puis, il faut bien prendre en compte qu'il y avait Touch qui était sorti peu avant, qui était encore en cours de parution à même époque, et Touch jouait sur le triangle amoureux, donc ça évitait une répétition avec un titre concurrent. Alexandre Le Train. Puis c'était une époque où les dessins animés étaient très genrés, les dessins animés sportifs. Hein. Les dessins animés de tennis étaient très consacrés aux femmes, notamment, je pense aux attaquantes où je sais tes matchs. Oui. Il y avait Jeanne et Serge, effectivement, sur le volet, donc c'était très genré. J'aime la gym, Cynthia ou le rythme de la vie. Il y avait même Laura, la passion du théâtre. Enfin, il y avait beaucoup de dessins animés comme ça. C'était les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et je pense que ça a beaucoup fait aussi dans l'image et la représentation du foot pour beaucoup d'enfants, de dire c'est fait pour les petits garçons. Moi, ce qui m'a manqué un peu dans Olivetum quand je regardais, c'était peut-être l'absence d'histoire en dehors du terrain de foot. On avait l'impression qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure Frédéric, pour Mark Landers, il se passait beaucoup de choses dans sa vie, mais on a l'impression que tout ce qui se passait dans leur vie arrivait sur le terrain de foot. Et j'aurais aimé voir un peu développer les personnages dans leur vie. Je crois que une des rares fois où j'ai vu Olivier vivre des choses à côté, c'était quand il rebondit sur le ballon au premier épisode. Moi, ça m'a manqué, voilà. Et à l'époque, on s'en rend pas compte parce que on aime le côté flamboyant des matchs de foot. Mais moi, ça me manquait de pas les voir un peu plus étoffés en dehors de la vie du terrain de foot. Allez, cette fois, c'est la bonne, prends ça! Genzo semble incapable de réagir à cette frappe. Le ballon va entrer! Le but, enfin! Le Shimizu FC va-t-il ouvrir le score? Ne criez pas victoire trop vite! Je suis Genzo Wakabayashi, le gardien prodige! Quel arrêt! Le gardien de Nankatsu s'envole et capte la balle dans un ultime effort! À toi de jouer, Tsubasa! Genzo réussit à dégager avec sa jambe blessée. Le ballon s'envole dans le ciel! Au lieu de m'appuyer sur ma jambe blessée, il vaut mieux que je tire avec. La passe arrive jusqu'à Tsubasa. Genzo a fait preuve d'un courage immense. Je dois m'en montrer digne. Quoi ? Tsubasa a éliminé 3 joueurs en une fraction de seconde. Comme promis, je marquerai au cours de cette mi-temps, Genzo. Tsubasa, fais-nous une reprise dans ta secrète. L'attaquant arme sa frappe. Nankatsu ouvre le score. Ouais, j'ai marqué. Le verrou de la défense de Shimizu a fini par sauter grâce au talent de ces deux joueurs d'exception que sont Genzo et Tsubasa. Merci d'avoir marqué, Tsubasa. Compte sur moi pour préserver ce but d'avance, mon ami. Alors, rien qu'en écoutant juste la bande sonore d'un épisode, on sent bien qu'on est dans quelque chose de plus proche de Star Wars que d'un vrai match de foot. Hein. Oui. Alors, on a entendu donc Olivier Hatton et Thomas Price, et qui sont doublés en français par Mathias Koslowski, qui fait aussi la voix de Robin dans Teen Titans Go. À chaque fois que j'écoutais ça, je me dis, mais je le connais. Et voilà, en fait, c'est là qu'il le fait. Et Thomas Price est doublé par Fabrice Josso. Alors, On parle encore 40 ans après le début du manga de Captain Tsubasa, parce que ça a une popularité qui ne s'est jamais démentie. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, il y a énormément de joueurs de foot professionnels qui disent avoir été influencés par Captain Tsubasa, Lionel Messi, Kylian Mbappé. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens font une carrière incroyable de footballeur, sûrement initiés par Olivier Tom, Jean-Marc Mano. Alors oui, il y a une influence incroyable, et même je pense qu'au-delà des joueurs, ça a même beaucoup influencé le football au Japon. Donc la J-League, le championnat japonais, a été créé 10 ans après le lancement du manga. Donc certainement que peut-être s'il n'y avait pas eu le manga, ça aurait pris plus de temps. Il y a eu aussi une Coupe du Monde au Japon, donc en 2002, Japon-Corée. Et certainement que tout ça a aidé parce que les Japonais ne connaissaient pas les règles. Et le but de Takahashi, c'était de leur faire découvrir donc le football. Et vous parliez au début de l'émission du commentateur. En fait, pourquoi il y a ce commentateur qui commente tout? C'est pour expliquer les règles de foot aux Japonais. C'est pour ça qu'il l'a intégré au manga. Et aussi, des fois, il fait parler les joueurs. Par exemple, on a Julian Ross, Jun Misugi, qui parle du hors-jeu. Oui, le hors-jeu. Il fait la règle du hors-jeu. Moi, j'ai découvert le hors-jeu via Olivier Tom. C'était le but, en fait. Son objectif, c'était pas tant qu'il fasse ça dans le match, mais d'expliquer aux Japonais. Et donc, il a vraiment eu cet apport pédagogique qui fait que ça s'est développé au Japon. Et bien sûr, dans le monde entier, ça, il n'avait pas pensé à ça. Mais il y a énormément de joueurs aujourd'hui qui disent avoir été motivés par ce manga. Et en France aussi. Hein, en France aussi, il y a eu dans les années 80 des recrudescences d'inscriptions dans les clubs de foot de la part des gamins. Ça a effectivement influencé toute une génération. C'est vrai que c'est étonnant aujourd'hui de voir cette jeune génération, je pense à Mbappé, qui effectivement, sur laquelle on miserait quelque chose pour se souvenir d'Olivier Tom. Et on voit que c'est quelque chose qui a traversé les époques. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de dessins animés, j'ai l'impression, dont on se souvient encore aujourd'hui, sous le titre peut-être français. Et qui passe d'une génération à l'autre sous le titre français. Olivier Tom, on est obligé de marketer ça pour qu'on s'en souvienne. Et voilà. Et c'est vrai que le football a beaucoup profité de Olivier Tom, comme le volleyball a beaucoup profité en son temps du succès de Jeannet Serge à la télévision. Peut-être dans une moindre mesure, mais quand même. Donc c'est pas étonnant. Et il faut voir la photo de Mbappé quand il a reçu un dessin de lui par Takahashi. Mais il est complètement aux anges. Et justement, c'est aussi quelque chose que Takahashi s'amuse encore à faire aujourd'hui. Si on va citer les joueurs français qui vont apparaître dans le manga, alors il y aura un De Gaulle, il y aura un Napoléon Bonaparte qui va traîner, mais aussi il y aura un Makelele, il y aura un Xavier Zidane, il y aura un Jérôme... Mais il a une admiration pour Griezmann notamment. Oui, il y aura un Jérôme Thauram, enfin bon, c'est assez facile de reconnaître quels sont ses modèles, et ça lui permet justement pour que les petits japonais qui prennent aujourd'hui le manga en route connaissent déjà les icônes actuelles du football, et pour beaucoup de japonais, ils connaissent les grands joueurs européens ou sud-américains grâce à Captain Tsubasa. Mais d'ailleurs, à l'époque, le rêve de Tsubasa, c'était d'aller jouer au Brésil. Mais vu la topographie du football mondial qui a changé, peut-être qu'aujourd'hui, il rêverait de venir jouer en France. Personne ne se prononce, là, on s'arrête quand même. Là, on se dit, peut-être pas aller jusque-là. Mais c'est vrai que c'était amusant de voir, je crois que c'est en 2002, je crois que c'est France 5 qui à l'époque avait diffusé le nouveau dessin animé, enfin le retour d'Olivier Tom. On voyait arriver Zidane dans le dessin animé d'Olivier Tom, le retour. Mais je suis pas certain qu'il y ait comme ça des. Peut-être aujourd'hui avec Mbappé, mais je sais pas s'il y aurait vraiment des grandes figures qui permettraient de se dire. Je suis pas certain. Mais Takahashi aime pas trop la France, en fait, si on regarde bien, parce qu'on ne l'a plus vu jouer depuis les années 80. C'est-à-dire que la France est là, elle est qualifiée. On voit les joueurs dans un coin de l'image, mais on ne les a plus jamais vus jouer en 30 ans. Et on ne sait pas ce qu'ils font. On ne voit jamais la Ligue 1, alors qu'on voit la Liga, on voit le Calcio, on voit la Bundesliga. Donc, je pense qu'il n'a pas un réel intérêt pour le championnat. Il aime les grandes stars. Après, des fois, c'est peut-être aussi du marketing. Oui, j'aime Griezmann, et puis quand il va en Espagne, il va dire qu'il aime Iniesta. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas une grande passion. Et puis, tout à l'heure, vous parliez de Napoléon. Mais par exemple, pour l'équipe de France, il n'a pas pris des joueurs style Platini. Il a inventé un joueur qui s'appelle Louis Napoléon, du nom d'un des frères de Napoléon Bonaparte, qui s'appelait Louis Napoléon. Et donc, il a pris pour l'autre, pour Pierre, il a pris Pierre de Corneille, par exemple. Donc, il n'a pas du tout pris les Platini, les Giresse, alors que... Donc, il aurait pu s'inspirer. Voilà. Alors que pour l'Argentine, il a pris Maradona pour faire un joueur. Oui, pour l'Allemagne, on avait Karl-Heinz Schneider, qui est Rummenigge. C'est ça. Pas pour la France. Il y a une sorte de boycott... Mais finalement, est-ce que le vrai succès de Captain Tsubasa, c'est pas tout simplement de donner une version mais complètement idéalisée et noble du football. C'est-à-dire que c'est vraiment juste la passion du collectif, la performance sportive. On est rivaux, mais ensuite on va devenir amis. Il n'y a pas des problématiques de transfert avec des millions d'euros. Il n'y a pas de problématiques de supporters qui vont se mettre à faire des chants racistes ou ce genre de choses. Il y a vraiment juste une sorte de vision complètement fantasmée, pure, du football. Plus que ça, je pense que vous touchez du doigt vraiment la véritable raison du succès de Captain Tsubasa, c'est que contrairement à tous les shonen de l'époque, on peut chercher, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas de méchant. Il y a éventuellement Mark Landers qui au début est un bad boy, et justement Mark Landers, selon moi, est vraiment là, de même que Julian Ross est là pour expliquer la règle du hors-jeu, Mark Landers est là pour qu'on comprenne que non, le football n'est pas un sport individuel. C'est bien beau d'être un méga bourrin, c'est bien beau d'être super fort sur tous les plans techniques, physiques, tout ce qu'on veut. Si on joue tout seul en négligeant les 10 partenaires, on n'arrivera à rien. Et on s'affronte sur le terrain. Une fois que c'est fini, on se tape dans la main, on redevient copain. On peut être dans la même équipe pendant une saison et puis la saison suivante, on sera adversaire et ça pose pas de problème. Et il n'y a pas de véritable méchant. Et c'est ça qui fait la force de Captain Tsubasa. Alors arrive le moment où pour moi, je vous le dis sincèrement, hein, ça sent la fin de semaine. Mais avant cela, il y a une chanson, un jeu, des conseils culturels et un passage d'antenne. Mais là, je me rends compte que j'enchaîne les spoilers et personne ne me dit rien. Eh ben, on va écouter Polo et Pan avec Feel Good. Le capitaine de cette équipe s'appelle Céline Hila. Sarah Masson et Jeanne Paravert sont respectivement avant-centre et milieu de terrain. Et Tom Malky, notre stagiaire, est sur le banc de touche. Mais on vous promet, on le fait rentrer en deuxième mi-temps. Wanna rejoice, beauty of life, embrace the game, natural smile, breathing in deep, glide in with style. Sometimes I just wanna c'était Feel Good de Polo et Pan. Et maintenant, on joue Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu, mes amis. Je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui, on a Julien au téléphone. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, vous êtes fan d'Olivier Tom? Ah oui, bah c'est comme une bonne partie de vos intervenants du jour. J'ai découvert ça à 4-5 ans en regardant la 5 en rentrant de l'école et depuis, fan indécrottable. Ouais, on a vraiment tous bien réussi nos vies. Hein. C'est ça. Alors, vous connaissez le principe du jeu? Oui, oui, oui. Voilà, je pose une question, 20 secondes pour répondre. Si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez faire appel à un des invités qui répondra à votre place. C'est parti? Okay. On y va. Première question. Comment s'appelle le mythique joueur de foot de la Mambo qui souffre de problèmes cardiaques? Yun Mizugi. Oui, en plus, il me le sort en japonais. Ah là, là, c'est la ceinture noire. Je m'attendais à Julian Ross, mais non, effectivement, c'est Jin Mizugi. Question suivante. Quel est le nom de la technique des fameux frères d'Eric? La brouette suédoise? Attendez, Voilà. Alors c'est bien, moi je m'étais cassé le tronc à écrire le tir de la feuille morte et tout ça, mais non, est-ce qu'on s'en fiche, on donne la bonne réponse directement. D'accord, quoi qu'on me donne du mal. Dernière question. Vous allez entendre un extrait du générique d'Olivier Tom. À vous de compléter les paroles. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout des pieds, quand oh on a là là là là là là et on a gagné. Et tu as gagné, Suprême Julien. Eh bien, Julien, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Félicitations, Julien. Eh ben super, merci beaucoup. Merci à vous. Je peux prendre juste une seconde pour Allez-y. Passer un petit coucou Allez-y. À ma copine qui m'engueule à chaque fois quand elle me voit rentrer à la maison avec un nouveau manga d'Olivier Tom ou de Saint Seiya. C'est pour elle. Je comprends son sentiment. Merci à vous, Julien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, l'actualité de Captain Tsubasa se poursuit, Charles Romano, notamment le 28 août. Il y a la sortie d'un jeu vidéo sur PS4. Enfin, un jeu de foot qui me donne envie d'être acheté. Oui, alors c'est exceptionnel parce que pour l'instant, depuis 20 ans, la licence, ça se passe qu'au Japon. On n'a plus rien. Donc là, actuellement, au Japon, il y a un magazine. Captain Tsubasa ne sort même plus dans le Jump. Il sort dans un magazine Captain Tsubasa avec plein d'informations. Nous, on n'a pas ça en France. Mais on a été très étonnés. Bandai a décidé de sortir un jeu dans le monde entier. Ça s'appelle Captain Tsubasa Rise of New Champions. Donc, il sort effectivement le 28 août sur PS4, Switch et PC, pas sur Xbox, hélas. Et oui, c'est vrai qu'il est assez ambitieux. C'est peut-être même le plus ambitieux qu'on ait eu depuis 20 ans. Parfait. Moi, je l'attends. Ouais, moi, je l'attends. Nous aussi. Et sinon, vous avez un petit conseil culturel lié au foot, rapidement, en un mot? En un mot, oui. Hein. Oui, il y a un baby-foot Captain Tsubasa qui vient de sortir, officiel, véridique. Depuis que j'ai vu la photo du baby-foot Captain Tsubasa, je rêve, je sais pas où je pourrais le mettre chez moi, mais je rêve de ce baby-foot toutes les nuits. Alexandre Letraine? Moi, c'est indirectement lié à Tsubasa, mais si on veut voir ce que ça peut donner dans la vraie vie, Olivier Tom, se replonger dans le génial film Shaolin Soccer. Parce que c'est une jouissance totale. Tout à fait. Ouais. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Alexandre Letraine, Mathieu Pinon, Charles Romano, merci. Merci d'avoir évoqué Captain Tsubasa. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission. Hein, c'est moi qui réponds directement. Également sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Mon cher Tsubasa, pardonne-moi d'être parti sans te dire au revoir. J'ai préféré m'éclipser à la fin du match pour nous éviter des adieux déchirants. Tu m'avais promis, pourquoi t'es parti sans moi, Roberto ? Et on se retrouve lundi pour parler danse et de l'importance de ne pas laisser bébé dans un coin. On parle de Dirty Dancing. Mais pour le moment, on va retrouver Émilie Blomensiger avec le Mac de l'été. Émilie qui est avec nous, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va être tout seul mais à plusieurs. Je vais inviter deux artistes qui ont eu envie de créer en solo. D'abord Yael Naïm et puis Babix. Le premier album c'est Night Songs et Babix c'est un film disque qui s'appelle Les Saisons Volatiles. Bon parfait, on sera de la partie. Super. Bonne émission. Merci.